sublime porte Bellisol. Bellisol. La première. Il est 16h. Votre journal, Marie Van Kutsem, bonjour. Bonjour à tous. Ce n'est pas encore officiel, mais c'est quasi certain. Emmanuel Macron démissionne. Le ministre de l'économie français va quitter son poste, va quitter le gouvernement de Manuel Valls. Un départ à 8 mois de l'élection présidentielle, ce n'est pas un hasard, Anina Meus. Oui, alors vous l'avez dit, la démission n'est pas encore officielle. Emmanuel Macron a annoncé son intention à ses collaborateurs. Il devait apporter sa démission au président Hollande à l'Élysée sur le coup de 15h, mais personne ne l'a encore vu. Emmanuel Macron serait pourtant bien arrivé à l'Élysée, mais pas par l'entrée principale où de nombreux curieux, des journalistes aussi, attendent son arrivée. Cette démission toujours pas officielle est déjà pourtant largement commentée. Elle apparaît comme un échec pour François Hollande. C'est lui qui a fait venir Emmanuel Macron au gouvernement et qui l'a mis en avant. Ce qui est sûr, c'est que François Hollande va devoir trouver un nouveau ministre de l'économie, voire remanier plus largement son gouvernement. C'est donc une rentrée compliquée en perspective pour François Hollande. Emmanuel Macron, lui, avait créé il y a quelques mois son mouvement En Marche. Il marche désormais à côté des sentiers gouvernementaux. Va-t-il annoncer dans la foulée sa candidature à la prochaine présidentielle ou sera-t-il loyal à François Hollande pour ce prochain scrutin? La réponse ne devrait pas tarder. Merci Anina. Non, les négociations sur le TTIP n'ont pas échoué. C'est ce qu'affirme la commissaire européenne au commerce, Cécilia Malmström. Elle réagit aux remises en cause du gouvernement français et du vice-chancelier allemand. Ces négociations ont été difficiles, bien sûr, mais elles n'ont pas échoué, a-t-elle affirmé. Un mur, une barrière longue de 300 mètres pour empêcher les migrants de passer. Les travaux ont déjà commencé en Norvège, le long de la frontière avec la Russie. Objectif, renforcer la sécurité à ce point d'entrée de l'espace Schengen et ralentir l'afflux de réfugiés. Ce sera un nouvel obstacle sur la route de l'Arctique que des milliers de demandeurs d'asile ont commencé à emprunter à l'automne dernier, après la fermeture de la route des Balkans. En Norvège, les conditions du droit à l'asile ont aussi été durcies cet été. Le Parlement l'a voté. Et au sujet des migrants, autre route, celle de la mer Méditerranée. Les gardes-côtes italiens organisent de nouvelles missions de secours en mer. Aujourd'hui, la météo est particulièrement clémente pour les traversées. Hier, 6500 migrants ont été secourus. C'est un record. Réduire le temps de travail à salaire inchangé, passer de 5 à 4 jours semaine, le PS relance l'idée sans pour autant fixer de durée du temps de travail. Une idée très critiquée, rejetée par les partis du gouvernement fédéral, mais aussi par le CDH, pourtant partenaire des socialistes en région. Pour Gérard Valenduc, professeur à l'UCL, toute réduction du temps de travail est normalement une bonne chose pour la création d'emplois. Il évoque les 35 heures en France, mises sur pied par Martine Aubry. Mais peut-on comparer la semaine des 4 jours aux 35 heures toujours d'application en France? Écoutez, c'est la réponse de Gérard Valenduc, interrogé par Marc Sirlerot. Le contexte a tellement changé que c'est très difficile de faire une comparaison. C'était il y a maintenant... Près de 20 ans. Quasiment 20 ans. Avec un marché du travail qui n'était pas du tout comme on le connaît actuellement, avec un contexte économique qui était assez différent. Et ce qu'on a reproché un peu aux 35 heures, c'était une certaine rigidité dans les formes d'application, même du côté de leurs partisans. Un aspect, je dirais, pas assez modulable. Mais la force de tes 35 heures, c'est que ça donnait une ligne directrice et une orientation très claire. Passer une journée à La Roche en Ardennes, tester une maison d'hôte en camping ou encore faire une descente de la Lesse, le secteur du tourisme en Wallonie a passé un bel été, les chiffres en attestent. Le taux d'occupation des hébergements se maintient à 70%, statu quo avec 2015, et 76% des acteurs du tourisme wallon se disent satisfaits de leur saison. Qui visite la Wallonie? Eh bien, essentiellement des néerlandophones, 34% de néerlandais et 33% de flamands. Jeudi soir, un moment déjà très attendu par les amateurs de football, les Diables jouent un match amical contre l'Espagne, le premier avec Roberto Martinez comme entraîneur et Thierry Henry son adjoint. Le nouveau sélectionneur s'est exprimé à l'issue de l'entraînement ce matin, entraînement à huis clos. Le résultat du match n'a aucune importance, a-t-il dit. Ce qui compte, c'est l'engagement et la mentalité. Je veux voir les joueurs s'investir à fond. Voilà pour ces infos, merci de nous suivre. Toute l'info est sur rtbf.be. Et vous êtes sur la première à cette heure-ci. On retrouve Walid, toute son équipe pour C'est presque sérieux. Merci Marie, retour dans l'information tout à l'heure à 16h30. La première jusqu'à 17h30. C'est presque sérieux. Avec Walid. Presque sérieux. Il s'appelle Alain Juppé, il n'a que 19 ans. C'est le plus jeune pilote français à se lancer en F1. Il fera ses débuts cet après-midi lors du Grand Prix de Bison Futé devant la cathédrale de Rouen. Qui est-il ? La réponse avec Dominique Bresso. Cuistot chez McDo, c'est la règle en Formule 1 pour réussir. Dominique Bresso, spécialiste de la Formule 1. Qu'est-ce que c'est ? C'est le plafond du salaire des patrons dans le service public. 290 000 euros. Et Eliodie Repro déclarait dans la presse du jour, c'est indécent. Qu'est-ce qui justifie de telles rémunérations ? J'ai le cœur qui saigne. Si je suis allé sur le site web de l'INCC, je ne suis en revanche pas allé voir sur place parce que mon aideur Overenbeek était surtout connu pour son hôpital des Grands Brûlés et pour son incinérateur. Ouais. Vous voyez le lien. Je tenais à dire que j'ai ma maman qui m'envoie un SMS, je t'écoute, est-ce que je te perturbe ? Comprendre. Un auditeur qui s'appelle Pierre qui nous a aussi envoyé un titre sur le TTIP. Mmh. Et son titre n'est pas mal parce que c'est TTIP, ça sent la chicorée. Le journal La Provence en France a titré ceci. Séisme, deux points. Vibrant hommage de son véridique. Oui, c'est de très mauvais goût. Hein. Pays de Charleroi. C'est toi que je préfère. C'est la Belgique qui a inventé en 1857 le concept d'exposition de chiens. C'est excusez-moi, Cynthia, il y a quand même eu le concours du plus beau bébé. Je crois que c'était un. Vous étiez le premier participant. Vous avez participé ou pas, Raoul ? Non, mon frère. Et il a gagné ou pas ? Deuxième. Vous ne pas être capable de parler néerlandais. Le néerlandais ? Vous parlez néerlandais dans ce pays ? Mais personne ne m'a rien dit. Prachtig. La preuve, l'entraîneur actuel est espagnol, son autre adjoint est anglais. Quant au coach précédent, Marc Wilmots, je suis mal placé pour juger son néerlandais, mais concernant son français, manifestement, ce n'est pas non plus une priorité. La première. 16h-17h30. Ne prenez pas la grosse tête. Restez presque sérieux. Avec Walid. Et on apprend dans la presse du jour qu'à la façon dont son numérus s'est cassé, eh bien des chercheurs ont pu établir que l'australopithèque Lucie est morte en chutant d'un arbre. On peut donc en déduire que Lucie était une femme mûre. Bien mûrs. Eux aussi d'ailleurs. Ils sont souvent bien bien perchés, mais eux finir sur une bonne chute, ça ne leur fait pas peur. C'est même ce qu'on leur demande. Voici vos acrobates du jour. Quand les dépêches tombent, elles nous en parlent sans gravité autour du pot. C'est Catherine Ronvaux. Bonjour Catherine. Ça commence fort. Bonjour Walid. Ils taillent l'actu comme on taille un arbre. C'est Mickaël Elbaz. Bonjour. Bonjour Walid. Bonjour à tous. Tiens, si l'homme descend du singe, elle descend de la montagne à bicyclette. C'est Salma Wache. Bonjour Salma Wache. Vous allez bien. Oui, oui. Et tiens, lui, c'est l'arbre qui cache la forêt de la désinformation. Vincent Flibusti, bonjour. Pas si vieille que ça, ça me va. Vous allez bien, Vincent ? Super. Tiens, après des années de radio, on en est maintenant sûr. Il n'a rien de cassé. Il est juste un peu fêlé. Et c'est tant mieux, parce que, comme disait Audiard, heureux les fêlés, car il laisse passer la lumière. Raoul Reyers. C'est vrai, je laisse passer ma lumière, malgré ma taille. Oui, c'est beau. Vous êtes luisant. Mieux, vous êtes luisant. Vous nous éclairez. Tiens, on parlait des arbres, mais que serait-il sans leurs racines, hein, des éléments invisibles, mais qui apportent stabilité et nourriture à l'ensemble, hein, bien, ce sont nos petites racines. Ajar Boulesh qui a préparé cette émission pour vous et Greg Carrette qui la réalise. Vous l'avez compris, l'actualité, ce sont eux qui la font. Et c'est avec vous que nous en rions. Merci donc d'être presque sérieux, tout comme nos chroniqueurs du jour. C'est presque sérieux. Sur la première. Il sera question de rentrée des classes. Ah oui, déjà jeudi, c'est parti. Signal radio de l'espace, on en parlera tout à l'heure avec Catherine Ronvaux. Et puis, on s'intéressera à une inauguration, l'inauguration du premier centre culturel. Attention, Gérard Depardieu. C'est pas une blague, ça se passe en Russie. Ce sera avec Mickaël Elbaz. On vous offre également des cadeaux avec le qui a dit du jour. 4 entrées pour le musée royal de Marimont, situé au cœur d'un splendide parc, un musée où la Chine et le Japon côtoient l'Égypte, la Grèce et la Rome antique, où le passé du Hainaut est mis à l'honneur. Faites-vous plaisir en envoyant ces trois lettres CPS au 6031, 75 centimes le message, nom, prénom et adresse pour ces 4 belles entrées pour un très très beau musée. On vous y invite donc. Le qui a dit du jour, je vous le donne. Qui aurait pu dire « J'ai été un idiot et j'ai trouvé la foi ». Alors, des propositions que vous ferez à l'un ou l'une de nos auditrices, auditeurs. Inscrivez-vous donc, c'est le moment, c'est l'instant. Ajar vous sélectionnera dans un instant CPS au 6031. En attendant, la une du jour, aujourd'hui en chanson. Voici deux extraits, tendez l'oreille et rattachez ces deux morceaux à une quelconque actualité. Trois vieux papis, tout vers mon lit. Sur un très vieux banc, tout moussu parlait de la pluie et du temps. Map. pomme. C'est ouais, ouais, je suis plus heureux qu'un roi. Alors nous avions Richard Gottener avec Trois vieux papis et Maurice Chevalier avec Ma pomme. C'est avec Richard Gottener que nous entamons cette émission et ce mardi. Alors, Trois vieux papis. C'est la primaire des Républicains. Oh, c'était facile, mais non, il ne s'agit pas de la primaire. C'est le Sénat belge. C'est le Sénat belge. Non, non, non, ça se passe en Belgique. Ah. Mais ça, et ça nous concernera tous. Dans très peu de temps, enfin dans très la peu retraite. De temps. Pour Raoul Reyer, c'est dans la retraite. Attendez, laissez-moi. Non, c'est pas la retraite, non. Dans 15 ans. Non, c'est pas la retraite. La pré-pension. Non. Non. La mort. Mais avant la mort. Mais avant la mort. Mais avant la mort. Ah, la maladie, les soins palliatifs. Le cancer. Qu'est-ce qui se passe entre la pré-pension et la mort? La pension. L'ennui. La maison de repos. La maison de repos. Alors, est-ce que vous avez eu une information en rapport avec les maisons de repos? Ah oui, les tartines sont pesées. Eh oui, super. Effectivement. Mais il paraît qu'ils s'en mettent quand même plein les poches. Oui, alors les tartines, effectivement. Les petits vieux, ils mettent dans les poches pour pouvoir manger quand ils sont. Ou alors ils en gardent un petit peu. Mais je vous dirai pas où. Les tartines donc sont pesées au gramme près, mais les actionnaires empochent effectivement des bénéfices de plus en plus importants. L'industrie du troisième âge tourne à plein régime. C'est vrai que c'est un vrai business. On en parlait avec Raoul. On voulait Raoul et moi, on est toujours à l'affût de. Du bon business. Après les gaufres, le restaurant, le salon de coiffure. On pensait à une chaîne de seigneurie. On ne connaît pas encore le nom. Le nom, voilà, on cherche un nom. Donc ouais. Si, Quick, ça peut être bien, parce qu'il y a plus Quick, mais plus Quick c'est fait, plus Quick c'est. Oui, c'est ça. Quick, c'est. La semaine dernière, vous vouliez acheter en viager, ça y est. Mais il y a un truc. Il y a un truc. En tout cas, l'industrie du troisième âge tourne à plein régime, mais ne bénéficie pas à notre société. Au contraire, tout indique que la qualité de nos maisons de repos recule fortement. Une jeune infirmière a tiré la sonnette d'alarme, ça, on pouvait le lire dans le Standard. Nos confrères néerlandophones, elles témoignent de la pression de travail inhumaine dans le secteur des maisons de repos et des conséquences inévitables pour les habitants. Des cuisiniers qui expliquent également comment ils doivent préparer à manger pour un minimum d'argent. 3 euros pour 3 repas, c'est le prix d'un grand paquet de frites à la friterie du coin. Des aides-soignants qui racontent comment également ils devraient utiliser les langes et doivent coucher les habitants à 16 heures par manque de personnel. Voilà, c'est flagrant et pour... voilà, pour les personnes âgées, pour celles et ceux qui ont contribué à notre bien-être et à nos conditions aujourd'hui, eh bien c'est quand même dégueulasse. Voilà. Mais j'avais envie de le dire. Pourquoi ? Parce que dans notre société, plus personne n'accueille ses vieux parents à la maison. Alors, aussi. Alors c'est vrai que dans certaines communautés, c'est juste l'inverse. On accueille ses parents. Voilà. Aujourd'hui, mais vous savez que dans certains pays, on paye les gens. Alors moi, je vais vous raconter une petite anecdote. Je sais qu'en Guadeloupe, par exemple, l'oncle de ma femme s'occupe de sa grand-mère, donc de sa maman. Et on le paye pour le faire. C'est-à-dire qu'on le paye pour s'occuper de ça. C'est comme les allocations familiales. Voilà. Oui, c'est pas mal, ça. Et je trouve que c'est relativement intéressant. Bah, donc pourquoi pas mettre ça sur la table. Je vais appeler la personne qui s'appelle. Là-bas, un fruit, un verre de rhum, elle tout a joué. Et le soleil, monsieur, et le soleil. Et c'est le soleil. Désinfectant aussi. Maurice Chevalier, c'est le deuxième extrait et la deuxième info que nous recherchons ce mardi. Écoutons. C'est moi, je suis plus heureux qu'un roi. Facile. Des pommes. Alors des pommes, oui. Oui, d'Apple qui va payer. L'énorme amande. Mais oui. Ah oui, alors. Mais oui. Non, les amandes, c'est les abricots. Alors, Apple, effectivement, devra rembourser à l'Irlande plus de 13 milliards d'euros. Ça va. Tim Cook avait ça dans la poche gauche. Mais c'est-à-dire que ça va être directement impacté sur nous. C'est-à-dire que le prix de votre smartphone ou de vos ordinateurs va quintupler. Voilà. Parce que c'est possible, encore. Ah, mais bien oui, entendu. Tout est possible. La Commission européenne, en tout cas, a frappé un grand coup contre les avantages fiscaux accordés par l'Irlande à Apple. La firme américaine devra donc rembourser à Dublin un montant record de plus de 13 millions d'euros pour avoir bénéficié de conditions fiscales avantageuses dans le pays. La Commission en charge de la concurrence, a déclaré ces rulings illégaux car considérés comme des aides d'État abusives. La plus grosse contravention jamais prononcée par Bruxelles dans le cas justement des aides d'État illégales était jusqu'à présent un chèque de 1,4 milliard d'euros dû par, à votre avis, à qui ? Microsoft. Non, pas Microsoft. Par une société française. Non. Française. En trois lettres. GDF Suez. Non, on n'est pas très loin. Bah, si c'est pas GDF, c'est, EDF. Oui, c'est EDF. La Commission européenne donc enquête depuis maintenant 3 ans et voilà, ils vont devoir passer à la caisse Apple. Ce qui est bizarre dans le truc irlandais, c'est que le ministre des Finances irlandais veut aussi aller contre la décision, donc ne veut pas. Je vois pas comment est-ce qu'il peut arriver à défendre ça face à son peuple. Il ne veut pas de ces 13 milliards d'Apple vu que ça va les faire avec passé, Apple. Mais ça s'est passé chez nous également. On n'a pas voulu récupérer. Ah bah oui, parce que justement, ça va faire fuir ces grosses sociétés Apple, donc à qui ne restera plus que le trognon. À 16h, presque 15 minutes, on va continuer à s'intéresser à l'actualité. Je vous encourage toujours encore, en ce mardi où vous soyez, à vous inscrire en envoyant CPS par SMS au 6031, 75 centimes le message, nom, prénom et adresse. Vous repartez avec 4 entrées pour le musée royal de Marimont. Avec la phrase du jour, le qui a dit que vous viendrez tenter de découvrir avec nous l'un de nos chroniqueurs à la bonne réponse. À vous de découvrir bien qui a cette bonne réponse. Qui aurait pu dire j'ai été un idiot et j'ai trouvé la foi. CPS au 6031, 75 centimes le message, nom, prénom et adresse. Et on s'intéresse bien à la rentrée des classes. C'est presque sérieux sur la première avec Walid. Pour bien commencer la saison de sport, vous trouverez tout ce qu'il vous faut chez Decathlon et sur decathlon.be. Maman, cette année, j'ai envie de faire autre chose. Ah, et qu'est-ce que tu veux faire, ma chérie? Gymnastique, danse, natation, équitation? Non, du rugby. Pour eux et pour tous les autres sportifs, maintenant le sport est plus facile. Decathlon, à fond la forme. La première. Mobile Info. 16h16, que se passe-t-il sur nos routes? Eh bien, la réponse tout de suite avec Marjorie Bilot. Bonjour Marjorie. Oui, bonjour Walid. Avec une chaussée fermée à Jemap sur l'E19 Bruxelles vers la France. Donc, c'est au kilomètre 60 qu'un camion est sur le flanc. Conséquence, 11 km de ralentissement. Une déviation est mise en place, c'est-à-dire que vous allez être dévié à partir de Ville-Sereine, plus ou moins sur le R5 de Jemap pour éviter cette circulation à l'arrêt, puisque la chaussée est fermée vers la France. Il y a aussi des répercussions sur la Nationale 6 venant de Soigny sur 3 km. Concernant le Ring 3 de Charleroi, là aussi, ralentissement d'Épigny à Gilly et puis à hauteur de Couillet, tout cela vers Gouy. Concernant le Ring de Bruxelles, ajoutez 30 minutes entre Woluwe, Saint-Etienne et Wemel vers Grand-Bigard. Et puis ralentissement aussi entre Grand-Bigard et Jette et de Wiesenbeek à Tervuren vers Waterloo et à Bruxelles dans les tunnels habituels. E411, National 4, A54. Vous avez le choix, comme chez Cora. Ou chez Cora. Un problème sur la route? Signalez-le au call center RTBF Mobile Info via le numéro gratuit 0800 48 400. La première avec Walid, c'est presque sérieux. J-2 avant la rentrée des classes. Rentrée des classes puisqu'il manque des écoles pour les étudiants. Vous nous proposez, Selma Awash, bien l'ubérisation de l'école. On ne manque pas de ressources en Belgique. Ben non, surtout pas. Ben oui, parce que c'est la rentrée et puis on pose à cette terrible histoire, ces pauvres petits-enfants qui n'ont pas d'école, puis ces pauvres parents qui ne savent pas trop où mettre leurs enfants et qui pensent un peu à récupérer leur espace vital. Hein. Alors, je ne sais pas qui est plus content des deux. Mais je ne sais pas, parce que pour ceux en tout cas qui ont leurs enfants tout le temps pendant un moment, sauf ceux qui sont travaillés dans le privé pour qui avoir un espace vital, c'est un peu entre soit avoir des parts dans un centre de stage, soit divorcer pour avoir la garde un mois sur deux. Mais revenons à nos cahiers, puisque je m'égare un petit peu. Donc, c'est pour ces pauvres petits enfants qui n'ont pas d'école, bon, c'est où les écoles, il n'y a pas assez d'école pour les enfants, c'est un peu l'histoire de l'œuf ou de la poule, de la grenouille qui voulait être plus grosse que le bœuf, ou de la cigale d'enfant qui a chanté tout l'été. Bon, je m'arrête avant de vous faire toutes les fables de La Fontaine. Pourtant, moi j'ai testé trouver une école primaire pour mes filles. J'ai juste dû passer 98 coups de fil, et ce qu'on pourrait appeler une campagne de harcèlement affectif pendant une semaine. Je vous promets que même Justin Bieber n'aurait même pas fait autant. J'ai fait des visites savamment étudiées avec mes filles qui sont sapées comme jamais. J'ai toujours dit que le shopping était d'utilité publique. Et puis j'ai obtenu une place et là j'ai scandé. C'est un miracle, Salomon, un vrai miracle. Alors j'ai une idée. On pourrait ubériser l'école, en effet. On pourrait faire une sorte d'énorme campus avec des cours ex-cathédra entre la rue de la Loi et le palais, puisque de toute façon, il ne s'y passe jamais rien. Et puis des TP auprès des sièges, des partis, de différents ministères. Je vous sens sceptique. Attendez, ne vous inquiétez pas, je développe. Plutôt que de recycler des licenciés en criminologie pour donner des cours de néerlandais en zone d'éducation prioritaire, histoire vraie, on pourrait piocher dans notre large réserve de ministres. Puis oui, quand on sait que chaque ministre coûte 600 000 euros, on se dit qu'on pourrait faire de sérieuses économies d'échelle, ah, non? Ah bah oui, bah oui. Voilà. Alors, voici quelques exemples de cours, parce qu'il faut un programme pédagogique, on ne va pas faire ça comme ça. Par exemple, la formation digitale. La moitié des Belges ne sait pas faire de paiement en ligne, et 40% ne savent pas utiliser Toxon Web. Alors je me dis que s'ils apprenaient directement au ministère des Finances, eh bien ça serait un peu de la pédagogie active. Et puis si ça ne marche vraiment pas, moi je pourrais leur apprendre comment faire du shopping en ligne le premier jour des soldes. C'est un peu comme un exercice du GIGN où il faut évacuer du site vos hits pièces préférées. Je peux déjà vous dire que le vert kaki militaire est très tendance cette année. Et puis on pourra avoir un cours de sciences au château Val-Duchesse. C'est un peu le triangle des Bermudes du budget où il y a des milliards qui disparaissent sans qu'on sache pas vraiment où ils vont. Avec Sophie Wilmès, qui est notre ministre du budget elle-même, en maîtresse du TP. Comme ça, mais bon, comme il paraît que le yoga l'énerve, il faut lire le L Belgique pour en savoir plus, je m'arrêterai là. Excursion régulière aussi auprès de la FGTB. C'est une des rares institutions académiques qui n'a aucun contact avec la réalité extérieure. C'est un peu comme un musée Grévin, sauf que les gens y sont a priori vivants. Et puis en maths, c'est vrai qu'on est tellement mauvais en maths, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Alors on peut motiver, prendre des exemples de la vie quotidienne. Par exemple, si on a 178 policiers disponibles pour un quartier, mais qu'on a besoin de 116 militaires pour la ville, sachant que le budget disponible est réparti entre la commune et le fédéral, combien de protection y a-t-il par citoyen et quel est le coût moyen acceptable? Ça donne envie d'apprendre à compter, non? Ah, ça. Et puis, vous voyez, il n'y a aucune raison de s'alarmer. La solution est vraiment dans l'économie circulaire. On est le roi de la débrouille. Et puis, est-ce que je proposerai Morane et Lara Fabian en cours de chant ou pas? Non. Merci, Selma Wash. Chronique à retrouver sur le rtbf.be/ovio. Dans un instant, Raoul Reyer. Suis Raoul. Au moins, avec la FGTB, on apprend la fight. Oui. L'avantage, c'est qu'on peut aussi faire des problèmes avec la FGTB. Si le train part d'Anvers, à 8h52 et n'arrive jamais. À quelle heure a-t-il eu son retard? Et que les militants s'arrêtent au café de la gare. Ouais. Combien coûte la bière? Voilà. Bon, si on vous proposait un grand classique, oui, ce grand classique, avant de découvrir Raoul Reyer, voici Bob and Earl. Shuffle, c'est signé Bob and Earl, morceau de 1963. Petit souvenir que vous écoutiez à l'instant sur la première. Hey, cool, ça fait du bien. Des cadeaux que nous vous offrons, 4 entrées pour le musée royal de Marimont. Vous allez pouvoir découvrir la Chine, le Japon, l'Égypte, la Grèce, la Rome antique et également le Hainaut mis à l'honneur. Si vous souhaitez repartir avec ces 4 places, venez jouer avec nous au qui a dit la phrase du jour. J'ai été un idiot et j'ai trouvé la foi. Inscrivez-vous en envoyant ces 3 lettres CPS au 6031 75 centimes le message. Tirage au sort dans quelques minutes et nous jouerons ensemble juste derrière les informations de 16h30 signé Marie Van Kutsem. En attendant, Raoul, vous avez pour nous des histoires, de belles histoires insolites. Ça a été les Ce sont des histoires, c'est déjà ça. C'est déjà une bonne chose. Et allez, on commence un peu Actor Studio ici. Allez. Oh tiens, qu'est-ce que j'ai? Donc je saigne un peu. J'ai un peu mal, je vais quand même aller à l'hôpital, on ne sait jamais. Et ce passant liégeois qui sortait d'un bistrot s'est rendu en bus à l'hôpital de la Citadelle. Hein, et arrivé dans aux urgences, on lui dit « Ah ben monsieur, vous avez bien fait de venir, vous avez une balle dans la peau !» Écoute, non, mais c'est dingue, c'est vrai. C'est incroyable. Ça arrive souvent à Liège. Le type est parti en bus. Ouais, ouais, c'est vrai. Il y a des types qui se battaient et qui se tiraient dessus et lui a pris une balle. Comme ça, quoi. Et comme quoi, dans les films, on voit des types, ils prennent une petite balle, ils tombent tout de suite par terre. Mais en fait, non. Comme quoi, le cinéma, c'est quand même de la poudre aux yeux. Ouais, c'est le péquet qui renforce. C'est je ne sais pas, mais est-ce que vous imaginez... Oh tiens, j'ai une balle dans le bras. Ouais, autre histoire. C'est dingue. Hein, je vais vous faire écouter des petits sons et vous allez me dire dans quel endroit on pourrait se trouver. La Grèce. Pas loin. Un resto grec. Moi, je lis Bouzouki. Voilà. Ben oui, c'est le petit resto grec du quartier où seulement la musique incessante vous pète le cerveau avant que le personnel n'explose des piles d'assiettes pendant que vous terminez votre moussaka. Mm-hmm. Vous l'avez trouvé. Un resto grec, quoi. Allez, on change d'endroit. C'est un resto grec, mais qui a meilleur goût. Un bateau de croisière. Non. Ça pourrait, mais c'est pas ça. Soyez plus terre à terre. C'est votre donjon chez vous. Mais non. Burger King. Moi, j'appelle encore ça l'innovation. Hein, comme quand j'étais petit. Je vois arriver. Avant l'incendie, oui. Où la musique d'ambiance vous ferait vous endormir dans les escalators, entouré des vendeuses qui prennent leur quart d'heure syndical. C'était d'ailleurs dans Alino que vous faisiez votre scène d'aide tout le monde. Ah ouais, mais là, j'étais directeur. Et on change encore d'endroit. Chérie. Ah, Eddie Wally. Ça, c'est dans un ascenseur. Ça s'appelle Pauline. Elle est pas chère. Mais pas du tout, c'est au petit carrefour au coin de ma rue. Ah, c'est ça. Parce que j'habite en Flandre. Bah oui. Donc il passe de la musique régionale. Ouais. C'est un peu normal. Dans un ascenseur aussi, ça va. Et alors, il reste un son. Ça, c'est le Grand Bleu. Non, c'est pas du tout le Grand Bleu. C'est là, Carla Bruni. On est enfin chez Marks & Spencer qui va arrêter de diffuser de la musique dans ses magasins suite à des centaines de lettres de plaintes envoyées par Pipe Down. C'est une organisation qui ne supporte plus la musique dans tous les endroits publics. C'est vrai. Et ils ont fait tellement de lettres et tellement de protestations que ça va s'arrêter au moins chez Marks & Spencer. Et pourquoi pas chez Abercrombie & Fitch? Là, c'est terrible. C'est impossible, là. Vous êtes sponsorisé ou... Oui, il faut citer notre marque. Voilà, merci d'avoir cité d'autres marques. Bah, on l'avait déjà dit, Lino. Hein. Bah oui, c'est ça. Merci Raoul, en tout cas, pour ces histoires. On joue ensemble dans un instant au qui a dit. Vous vous inscrivez en envoyant CPS au 6031 75 centimes le message, nom, prénom et adresse. Une phrase que je vous rappelle. J'ai été un idiot et j'ai trouvé la foi. Nous vous ferons des propositions et vous repartirez avec 4 entrées pour le musée royal de Marimont. Les infos à 16h30. Le qui a dit juste derrière. Je vous ferai écouter, si vous ne l'avez pas encore entendu, les conseils d'un expert en terrorisme. Ah oui. C'est tout un programme et je peux vous dire qu'il est très très sérieux et ça vaut le détour. Restez avec nous, restez presque sérieux sur la première avec autour de la table une fois de plus pour vous accompagner jusqu'à 17h30. La crème de la crème des chroniqueurs, Vincent Flibustier, Catherine Ronvaux, Michael Albas, Salma Awash et l'inélarable Raoul Reyers. Raoul. Et Walid, ne vous oubliez pas, vous oubliez toujours. Parenthèse, vous savez, on est là pour servir les gens, c'est ça qui est important. N'empêche que sans vous ici, il n'y aurait pas l'émission. Merci en tout cas à vous de nous suivre et surtout merci à vous d'être presque sérieux et d'être fidèle au poste tous les jours sur la première. La première présente Les Brussels Stefex Masters. Les meilleurs cavaliers et chevaux du monde sautent aux portes de Bruxelles en cette fin d'été au Brussels Stefex Masters. Venez soutenir les Belges face aux cavaliers internationaux dont Lucie Davis, vainqueur l'an dernier. Brussels Stefex Masters à Wolvertem, du 31 août au 4 septembre. Entrée gratuite. Investissez maintenant chez Bink. Parce que chez Bink, vous êtes bien informé pour décider seul et en toute confiance de ce que vous faites de votre argent. Bink, parce que c'est votre argent. La région de Bruxelles-Capitale, la 1ère et la 3, présente la fête de la BD. Mais oui, fête de la BD. Cette année, le Québec est notre invité d'honneur. Et nous fêterons les 70 ans des éditions du Lombard avec le rallye du journal Tintin, le festival BD, les visites guidées et la grande parade du Balloons Day. Fête de la BD. Parc de Bruxelles du 2 au 4 septembre. Avec la ville de Bruxelles et le soir. La province de Liège, la Une et la Première présente Debout Citoyens. Rendez-vous le samedi 10 septembre, place Saint-Lambert. Au programme, le beau vélo de Ravel, concert gratuit d'Alice on the Roof, de Suarez et de l'Opéra Royal de Wallonie au grand complet. Rassemblons-nous pour vivre ensemble cette journée citoyenne. Plus d'infos, deboutcitoyens.be. Deboutcitoyens.be. La Première. 16h30. Votre journal, Marie-Van Kutsem, bonjour. Bonjour à tous. Dans l'actualité ce soir, une démission à laquelle on s'attend. Le ministre français de l'économie, Emmanuel Macron, va rendre le tablier. Il quitte le gouvernement de Manuel Valls. Un départ plutôt attendu parce que l'ambitieux ministre a lancé son propre parti au mois d'avril et que l'élection présidentielle se profile en France. On vous en parle avec notre correspondant à Paris dans le journal de 17h. On va aussi s'interroger dans Soir Première sur le TTIP. Est-ce que ce texte qui devrait régir les échanges économiques entre l'Union européenne et les États-Unis. Est-ce que ce texte est mort ? Les déclarations fusent en France et en Allemagne. Des responsables politiques estiment que les négociations ont échoué. Il faut dire que la contestation citoyenne est énorme. Démentie aujourd'hui du côté de la commissaire européenne au commerce. On va faire le point à 17h30. Et puis enfin, dans CQFD, cette question, les primaires sont-elles un piège pour les partis politiques ? Cette étape intermédiaire avant les élections peut se révéler dangereuse, pousser les candidats à se tirer dans les pattes au sein même des partis, exemple aux États-Unis avec Donald Trump, exemple aussi à droite en France. Arnaud Reussen recevra deux invités pour en parler à 17h45. Jérôme Jamin, politologue à l'ULG, et Éric Birin, expert en communication politique. Walid. Merci Marie, retour dans l'information tout à l'heure à 17h. C'est presque sérieux. Sur la première, 16h-17h30, avec Walid. Merci d'être des nôtres, merci d'écouter la première fidèle au poste. Vous êtes presque sérieux, tout comme nos chroniqueurs et tout comme l'est justement quelqu'un sur qui nous sommes tombés sur les réseaux sociaux. Une vidéo qui tourne pas mal, vous l'avez peut-être vu. Restez avec nous, on vous en parle dans un instant. C'est un homme qui vous donne des conseils si vous êtes face à des terroristes. En attendant, il est avec nous, il vient de Charleroi, Philippe. Philippe, bonjour. Bonjour. Vous êtes glacier traiteur, c'est bien cela ? Tout à fait. Ah là là. Quel est le parfum qui marche bien pour le moment au niveau des glaces ? Caramel beurre salé. Caramel beurre. Ah là là, vous donnez envie. Vous donnez envie, Philippe, vous nous donnez envie. Vous avez un petit magasin de glace ou vous êtes encore avec la petite camionnette ? Non, un petit magasin sur Jumet, ça s'appelle les délires de Béatrice. Les délires de Béatrice. Alors en plus, comment on choisit le nom d'un glacier ? Pourquoi les délires Les délices. Ah, c'est votre épouse. On épouse Béatrice qui était glacier, ses parents, ses grands-parents, ses arrière-grands-parents. Ah bah voilà. Et comme ça, on profite de la marque qui était déjà connue. Ah bah bien sûr. Ça, c'est génial. En attendant, Philippe, vous êtes avec nous pour repartir avec 4 entrées pour le musée royal de Marimont. Et une question que je vous pose, tendez l'oreille puisque nous allons vous faire des propositions. Philippe, qui aurait pu dire « j'ai été un idiot et j'ai trouvé la foi » ? Vincent Flibustier. J'ai été un idiot et j'ai trouvé la foi. C'est Stéphane Klaus, un jury de The Voice Germany, considéré par beaucoup comme idiot, mais qui a gagné The Voice of Germany saison 5. J'ai été un idiot, mais j'ai trouvé la foi. La foi. C'est la 7e compagnie. Ouais, il n'a même pas passé la première. Voilà. On va demander à Raoul Reyers. Dans ses mémoires, Monseigneur Léonard ouvre son cœur. J'étais un idiot et j'ai trouvé la foi, alors que Raymonde, ma voisine de colocation, me proposait la bagatelle. Moi qui voulais 5 enfants, à qui je n'ai jamais pu donner de nom. Monseigneur Léonard pour Raoul Reyers. On va demander à Michael Albas qui aurait pu dire « J'étais un idiot et j'ai trouvé la foi ». Eh bien, c'est tout simplement Nicolas Sarkozy qui l'a fait écrire dans son livre « Tout pour la France », dans lequel il explique avoir rencontré Dieu un soir au Fouquet's et que celui-ci l'a convaincu de se représenter en 2017 alors que lui ne voulait pas du tout. On va demander à Catherine Ronvaux également, qui aurait pu, d'après vous, prononcer cette phrase ? Eh bien, c'est l'assassin de John Lennon. C'était bien l'accent, là. Ah oui, ouais. Mark Chapman, je crois. C'est un chanteur allemand qui, aussi. Qui est toujours incarcéré. Tracy Chapman. Et qui ne sortira pas de sitôt. Il y a un Charleroi, on dit Tracy. Le pauvre. Ouais, c'est vrai. Enfin, Selma Wash, on s'égare, mais qui, d'après vous, aurait pu dire « J'ai été un idiot et j'ai trouvé la foi ». Même je pensais à Nicolas Sarkozy, mais finalement, je me demande si c'est pas Manuel Valls. Vous savez, il a parlé de Marianne, comme quoi c'était très important pour la République et qu'elle avait le sein nu, tout ça. Ah, on va lui demander, tiens, si il peut nous... On l'a en ligne. Ah, super. Je crois qu'il va nous le répéter. Manuel Valls, attendez, je l'appelle directement sur son portable. Bien sûr, parce que je lui demandais juste de le répéter. Moi, je peux appeler n'importe quel politique comme c'est ça. C'est vrai, mais on peut lui demander. Ah, parce qu'il a quand même comparé Marianne à Annan, donc c'est pas mal. À qui ? Annan. Kofi Annan ? Annan. Pas avec l'accent et tout. Ah, Kofi Annan. Ah bon ? Oui, c'était sa sortie sur le Burkini, tout ça. Ah, on me dit que ça sonne occupé pour le moment. On va la voir dans un instant. Mais il faut nous dire tout, là. Mais on va le rappeler dans 30 secondes. Il n'est pas content à cause de Macron, là. Ah, voilà, il est là avec nous. Allô ? Manu ? Oui ? Non. Parler de Marianne, le symbole de la République. Elle a le sein nu parce qu'elle nourrit le peuple. Elle n'est pas voilée parce qu'elle est libre. C'est ça la République. C'est ça Marianne. Ah, donc peut-être Manuel Valls pour Selma Wash. En tout cas, Philippe, je vous rappelle les propositions. Ah là, on a fait le tour de la question. Je peux vous dire que ça va être compliqué pour vous de trouver le qui a dit du jour. Qui aurait pu dire donc j'ai été un idiot et j'ai trouvé la foi ? Stéphane Claus, j'ai trouvé la foi. Monseigneur Léonard. J'ai trouvé la foi. Nicolas Sarkozy. J'ai trouvé la foi. Marc Chapman. Ou Manuel Valls. Alors, procédons par élimination, mon cher Philippe. Eh bien, j'ai longuement hésité parce que Sarkozy, Monseigneur Léonard, ça me semblait quand même pas mal du tout. Mm-hmm. Mais je pense quand même que c'est Marc Chapman. Pensez que c'est Marc Chapman. J'ai été un idiot et j'ai trouvé la foi, l'assassin de John Lennon, qui ne sera pas libéré sur parole, effectivement. Bravo Philippe. À 61 ans, il s'est vu refuser pour la 9e fois sa demande de libération. C'est ce que rapporte le New York Daily News. Je peux confirmer que sa demande a été refusée. C'est ce qu'indique le porte-parole des autorités pénitentiaires. 5 lettres de recommandation seraient parvenues. D'ailleurs, jusqu'à une commission des libérations conditionnelles. Yoko Ono aurait également envoyé une lettre demandant de maintenir le meurtrier son mari en comme prison. Comme quoi, vaut mieux tuer quelqu'un d'inconnu que quelqu'un de connu. Ouais, et c'est pas très malin. Et donc, condamné à perpétuité avec une peine de sûreté de 20 ans, Mark Chapman souvenez-vous, avait abattu John Lennon de 4 balles dans le dos devant son domicile new-yorkais le soir du 8 décembre 1980. Et Mark Chapman pourra refaire d'ailleurs une demande de libération dans 2 ans. Il est détenu dans une prison de haute sécurité dans l'état de New York. Et bien voilà, c'est gagné, mon cher Philippe. Vous repartez donc avec ces 4 entrées pour le musée royal de Marimont, situé donc au cœur d'un splendide parc. Vous allez pouvoir y aller avec vos enfants. Et Béatrice. Formidable, merci voilà. Beaucoup. Le magasin ? Non, Béatrice, sa femme. On vous embrasse, restez-nous fidèles et surtout restez presque sérieux du côté de Charleroi. Et dans la suite, chose promise, chose due, voici les conseils d'un expert en terrorisme. Et le fait continue ! Alors au début, quand vous voyez la vidéo, vous dites « Bon, c'est une vaste blague ». Ah, voilà, c'est drôle, c'est bien fait, mais là, on est pris par le premier degré. C'est vraiment du premier degré, et c'est avec tout le second degré que vous nous connaissez qu'il faut écouter cet extrait. C'est parti. L'essentiel, extrêmement important, ne pas paniquer. Restez calme, restez zen. Vous respirez profondément. Donc une fois que vous avez fait ça, donc vous êtes face à un terroriste, vous avez respiré, c'est tranquille. Que se passe-t-il ? Qu'est-ce qu'on fait ? Le terroriste, surtout, ne doit pas se rendre compte que vous avez peur. Parce que si vous avez peur, il ne lui restera plus qu'à vous égorger. Alors là, on continue à respirer, mais il y a un Chuck Norris qui sommeille en vous. Le terroriste est face à vous, Kalachnikov au poing. Au moment où il lève son arme vers vous, vous déviez le canon... Vous lui mettez les deux doigts dans le nez, par réflexe, il baissera la tête, vous lui donnez un coup derrière, vous terminez par un uppercut, il se retrouve par terre, et là, vous avez sur vous un rouleau de scotch, vous l'attachez, vous appelez la police et vous le livrez directement. Alors, c'est bien connu, tout le monde a un rouleau de scotch avec lui. Le problème, c'est de retrouver le petit bout du début. C'est ça, oui. c'est ça qui peut faire perdre face à un terroriste. Attendez, monsieur le terroriste, je déroule mon scotch. Mais il faut le livrer directement, parce que s'il n'arrive pas frais au commissariat... Ouais. La livraison est gratuite. Mais ce n'est pas fini, parce que, attention, oui, il peut y avoir un terroriste. Mais si, il y en avait plusieurs. Si vous avez plusieurs terroristes en face de vous, bien vous répétez l'opération autant de fois qu'il y a de terroristes face à vous. Ah, voilà. Est-ce qu'on peut avoir des cours de simulation? Vous voyez un peu comme on fait les cours de self-défense, mais la même chose dans des académies. Qu'est-ce que vous appelez simulation? mais là, ça vaut le détour. On vous mettra la vidéo dans son intégrale. Je pense que vous l'avez peut-être vue. Elle circule beaucoup sur les réseaux sociaux. Et on salue notre maître à tous, donc le conseiller. On est rassurés. Parce que même s'il y a une bande de terroristes, on peut faire. Il faut juste aller l'un après l'autre. L'un après l'autre. Mais enfin, mettre les doigts dans le nez du terroriste, c'est pas terrible quand même. Il faut déjà le trouver. Et puis le conseil, et vous qui nous écoutez maintenant, sachez-le, ne sortez jamais sans votre scotch. Voilà. Enfin, sauf pour Edgar Schott qui sort toujours avec son scotch, bien entendu. Imaginez le terroriste avec du papier collant autour de lui, parce que c'est ça son scotch. C'est un peu ça. Il paraît qu'il fait une autre vidéo pour les terroristes avec n'oubliez pas de vous munir de ciseaux, une paire de ciseaux, parce que si vous êtes. Et d'un pince-nez. C'est ça. Bon, allez, dans la suite, on continue à être presque sérieux. On rentrera dans l'histoire avec Vincent Flibustier. Deux histoires signées, Vincent Flibustier. Et puis, une presque star. Ce sera après 17h. On reviendra également sur notre agence de presque. Et Catherine Ronvaux. Catherine Ronvaux qui va nous proposer, sans plus attendre, une chronique. Une chronique où vous allez nous faire entrer dans l'espace. Il y a des sons dans l'espace. De quoi s'agit-il? Silence. J'ai déjà volé avec cette soucoupe, de toute façon. Si celle-là s'arrête ici, qu'elle revienne, le gouvernement va nous aider. Mais vous savez, elle va coûter aussi cher une fois qu'elle sera faite, avec tous les trucs qu'il y aura dedans, les tableaux de bord et tout le merdier. Ah oui. Tous les ans, le sujet vie extraterrestre revient dans l'actualité. Et aujourd'hui encore, les aliens font parler d'eux. Mais oui, est-ce pour nous donner un peu d'espoir ou orienter ailleurs nos craintes? La presse annonce aujourd'hui un puissant signal radio relance la quête extraterrestre. Le message aurait été décrypté. Arrêtez de faire les cons, bande d'abrutis de terriens. Ce sont les Russes qui ont capté le signal. Mais on peut, sans aucun souci, le prendre à notre compte à tous. Le signal provient de la direction d'une étoile similaire au Soleil qui se trouve dans la constellation d'Hercule à environ 95 années-lumière de la Terre. Ce qui nous laisse un peu de marge. Si le message est en réalité, on va venir vous envahir, bande de nains. Je prends quelques libertés dans quant au vocabulaire extraterrestre. Je ne sais pas pourquoi, on pense toujours que les autres, les étrangers, sont agressifs, méchants et mal élevés. Bref, la communauté scientifique planche déjà sur une réponse. Si tu es blanc et fortuné, sois le bienvenu. Sinon, sache que le passage via la Grèce n'est plus possible, que les fouilles continuent à l'entrée de l'aéroport de Charleroi, que Calais n'est plus reconnu pour ses bourgeois, mais pour ses jungles, que la tension du grillage entre le Mexique et les États-Unis grimpe à 750 volts, que le C-string est obligatoire sur les plages de Nice. Tout le monde connaît le C-string. Mais j'ai une vague idée. En tout cas, j'ai une image mentale maintenant, je vais avoir du mal m'en séparer. C'est un string sans ficelle. Que si tu rentres en Corée du Nord, sache que tu ne pourras plus en sortir, tout extraterrestre que tu es. Ou alors les pieds devant si tu t'endors en réunion. Et que le tunnel, Stéphanie, est lui bien ouvert depuis aujourd'hui, mais peut-être pas pour longtemps. Si tu viens faire ton malin, sache que nous, terriens, sommes entrés aujourd'hui dans une nouvelle époque géologique. Et on n'est pas peu fiers de l'annoncer. Après 7 ans de travail, de discussions, de conflits d'idées, un groupe de 35 éminents spécialistes scientifiques l'annonce. Adieu l'Holocène, bienvenue dans l'Anthropocène, ou l'âge de l'homme. On dirait une production de Robert Hossein. Ça en jette. Hein. Basé sur le même principe que la chanson de Renaud, c'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. On passe du c'est pas la terre qui fait l'homme, c'est bien l'homme qui se fait la terre. Oui, l'homme est devenu une force telle qu'il modifie la planète. C'est la spécialiste qui le dit. Pour certains, c'est juste normal. Et dans le cours des choses et de la bourse, ça ce sont ceux qui en ont une grosse, de bourse je veux dire. Pour d'autres, c'est inquiétant, ce sont ceux qui tirent les petites sonnettes d'alarme, qu'ils tirent, mais le matos doit être HS parce que ça réagit moyen. Il y en a même des pessimistes qui disent que c'est trop tard. Oui. Il faut que tu saches, Itid Medu, avant de débarquer chez nous, te prendre une bonne tranche d'UV, une bouffée de dioxyde de carbone et de poser tes pieds palmés sur notre Roundup, il faut que tu saches à qui tu as affaire. Imagine, pour la première fois en 4 milliards et demi d'années, une espèce unique, nous les Terriens, a radicalement changé la morphologie, la chimie et la biologie de sa planète et a transformé le Giant en Whopper. Tu vises un peu le CV ? Allez, te voilà prévenu. Et si tu n'as pas peur de tout cela et que les frères Bogdanov ne te font pas sursauter, tapement 5 ou même 17, eh bien, viens boire un petit coup à la maison parce que refaire le monde, ça aussi, nous Terriens, on sait faire. Merci Catherine Ronvaux de la poésie à redécouvrir sur rtbf.me/ovio. Raoul. Cela dit, ils n'ont jamais rappelé. Hein. Non, c'est vrai. Non. On essaie de les joindre, mais ils ont appelé en appel masqué. À noter aussi que c'est la presse qui a voulu faire du clickbait, venez cliquer, cliquer, alors qu'en fait, le premier rapport n'indique vraiment pas grand-chose, qu'ils ne savent pas du tout. Mais quand ils disent peut-être d'une civilisation bien plus avancée que nous, non, on n'en sait rien du tout. Je pense que chaque année, on nous donne un petit peu de respiration. Bien sûr, mais c'est le fantasme de l'homme de penser qu'il y a une espèce plus intelligente que lui. Et je peux dire à l'homme qu'effectivement, il y a des espèces plus intelligentes que lui. Donc voilà, bon, dans la suite, on continue d'être presque sérieux avec des histoires, je le disais, signées d'un côté Laurent Dehausset, de l'autre Vincent Flibustier, presque star au programme. L'agence de presque sera là également. On revisitera un titre. Et aujourd'hui, quel titre, Raoul ? Alors, le titre, je ne l'ai pas. Merci. J'ai celui que j'ai revisité. Ah oui, d'accord. Bah, écoutez, oui. C'est une manière de teaser. Préférez un autre titre. Oui, restez avec nous et vous découvrirez donc ce titre juste après ceci sur la première. Walid, sur la première, c'est presque sérieux. RTBF Ovio, c'est ma toute nouvelle plateforme digitale audio et vidéo. RTBF Ovio, c'est en quelques clics une foule de contenus à voir et à écouter en direct, plus tard ou même avant les autres. rtbf.be/ovio. A-U-V-I-O. RTBF Ovio, libérez vos envies. Hé, hey, c'est encore moi, Hip. J'ai entendu tout ce dont vous avez besoin pour la rentrée. Ça fait hyper beaucoup. Heureusement, dans votre hypermarché Carrefour, vous trouvez les meilleurs prix garantis sur des centaines de fournitures scolaires. Et si vous trouvez moins cher ailleurs, bam, on vous rembourse 5 fois la différence. Hypermarché Carrefour, les prix bas, le plaisir en plus. Voir conditions en magasin. La première présente BIP 2016, la biennale de l'image possible. Des artistes d'aujourd'hui réinventent les images d'aujourd'hui. Art visuel, photographie et vidéo contemporaine, 12 expositions, plus de 30 artistes belges et internationaux. Jusqu'au 16 octobre à Liège. Info bip-liège.org. Avec la Fédération Wallonie-Bruxelles, la Wallonie, la ville et la province de Liège. Renouvelle ton abonnement tech via un self ou l'eShop et gagne une rencontre exclusive avec Christophe Maé et plein d'autres cadeaux. Je te prépare un moment incroyable. Alors, il est où ? Il est où le bonheur ? Toutes les infos sur infotech.be. L'eShop existe aussi en version mobile. Take it easy. Simplicité sur toute la ligne. La première. Mobile Info. 16h46 sur la première, que se passe-t-il sur nos routes, Marjorie Bilot ? Eh bien, on a toujours une chaussée fermée à Jemappes sur le 19 Bruxelles vers la France. Donc, des ralentissements qui commencent pratiquement à Ville-sur-Aisne. Et là, vous serez dévié via le Ring 5 de Jemappes. Vous suivrez la latérale de cette 19 pour aller vers la France. Mais ce tronçon donc est fermé. Et c'est vrai que ça cause pas mal de difficultés et des répercussions sur les axes avoisinants, sur la N6 venant de Soigny et sur le National 552 qui est bien chargé du côté de Mons. Sur le ring 3 de Charleroi, c'est chargé aussi à Épinay, à hauteur de Couillet, tout cela vers Gouy. Sur le ring, 30 minutes supplémentaires entre Woluwe, Saint-Etienne et Wemel vers Grand-Bigard, donc sur le tronçon Zaventem-Grand-Bigard, c'est chargé. Et puis, ça commence aussi à ralentir de Wezenbeek à Tervuren vers Waterloo. Et à Bruxelles-Centre, on a des files suite à un véhicule en panne dans le tunnel Léopold 2 vers la Basilique. 411, National 4, A54. Vous avez le choix, comme chez Cora. Ou chez Cora. Un problème sur la route ? Signalez-le au call center RTBF Mobile Info via le numéro gratuit 0800 48 400. I have a dream. Je vous ai compris. Presque un jour dans l'histoire. C'est pas Kennedy, ça ? Hey, Houston, on a un problème ici. 60 minutes d'histoire sur la première, c'est le rendez-vous que vous fixe Laurent Dehausset tous les jours du lundi au vendredi entre 13h30 et 14h30 sur la première. Laurent Dehausset qui joue les prolongations dans ses presque sérieux avec une question liée bien à ce jour, 30 août. Écoutez Laurent Dehausset avec la question que voici. Je rétablis le chaud en pleine gare froide, que suis-je ? Un radiateur. Une réconciliation. Non. C'est un objet. Un objet que l'histoire retient et que tout le monde connaît. Un objet usuel. Usuel, mais qu'on n'a pas, nous, personnellement, à la maison. Mais on l'a plus. Il y a deux personnes qui l'ont au monde, je pense. Ainsi dit cet objet a été échangé entre... Le téléphone rouge, effectivement. Ben oui. Le téléphone rouge, le 30 août 1963, a été mis en place. Claude François en avait un aussi. Oui, mais lui, il pleurait. Il pleure. Une ligne directe qui est installée donc entre Washington et Moscou pour améliorer le dialogue entre les deux puissances et atténuer les conflits. Le seul problème, c'est qu'ils n'avaient pas de traducteur. Pour améliorer le dialogue, c'est un peu compliqué. Donc du coup, la guerre froide a duré longtemps. Voilà, engager des traducteurs. Il n'y avait pas de réseau parfois aussi. Aussi, en tout cas en octobre 1962, le monde frôle le pire quand l'Amérique découvre que des missiles sont installés sur l'île de Cuba, située à 160 km de la Floride. Une troisième guerre mondiale atomique. Celle-là est évitée de justesse. Les deux pays décident alors de mettre en place une ligne de communication directe, rapide et sûre, qui leur permet de prévenir de telles crises ne puissent pas se produire. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Et il a vraiment servi? Oui, de temps en temps, il s'appelait pour dire « Ça va? Ça marche? Ok, je te rappelle après. » Il n'a jamais sonné, ce truc. Est-ce que c'était celui avec les cadrans qui tournent? Oui, voilà. Et vrai, vous faites ça bien, ça c'est Stanley Kubrick. je me suis trompé, je vais recommencer. Effectivement, Khrouchtchev et Kennedy se sont parlé de vive voix avec des combinés rouges. C'est toute la question que tout le monde se pose. Est-ce qu'effectivement Khrouchtchev et Kennedy un jour se sont appelés avec ce fameux téléphone rouge? Bien loin des communications d'aujourd'hui, le téléphone rouge était en fait une ligne télégraphique plus proche du fax que du téléphone, en fait. Donc voilà, c'est un mythe, les amis. Donc vous pensiez tous que c'était un téléphone, mais en fait non, c'était un fax. Et le téléphone rouge? Ouais, téléphone rouge, ça je veux vous le laisser. Ça, on va revenir dans un instant avec les histoires de Vincent Flibustier et bien revenir sur une artiste que j'ai eu la chance de rencontrer cet été. Tiens, elle s'appelle Jane. Elle est pleine de talent. Voici Comme sur la première. L'album Hope, Jane sur la première. Vous écoutiez Comme. Bonjour, messieurs Vincent. Deux histoires, l'une d'entre elles est vraie. Vous connaissez la musique maintenant. Vincent Flibustier vous compte deux histoires. À vous de déterminer laquelle est vraie. Ben oui, la publicité est partout, dans la rue, à la télé, à la radio, internet, partout. L'espace public est rempli de pop-up qui vous sautent à la tronche. Il n'y a qu'un endroit où on peut regarder sans voir de publicité, c'est vers l'espace. Ou sur la troisième chaîne de la RTBF. Mais parlons de l'espace. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de pub dans l'espace? Parce que personne n'y a pensé. Malheureux. 1993, la société américaine Space Marketing a voulu faire mettre en orbite autour de la Terre un panneau publicitaire géant d'un kilomètre carré recouvert de papier aluminium imprimé. Un panneau qui aurait été visible depuis la Terre comme aussi gros et illuminé que la Lune, donc énorme. Le projet ne s'est pas arrêté pour une question éthique. L'éthique de la publicité. Non, le projet était avorté parce que les annonceurs avaient peur de voir leur image abîmée par les débris qui flottent autour de la Terre. Nous vous rappelons que la drogue est mauvaise pour la santé. Ainsi que la pub, la pub de publicité. Il est popé. Ça va, Vincent ? Ça va, ouais, okay. La forme. Okay. Et quels annonceurs auraient été intéressés pour cette publicité ? Bon, à mon avis, il y avait Coca-Cola dans l'histoire. Yeah. On va en citer deux autres. Psycola et Dr. Pepper. Ouais, Dr. Pepper, voilà, c'est ça. De toute façon, c'est la même boîte. Alors, deuxième histoire, Vincent Fibusti. Bah oui, en termes de publicité dans l'espace, on trouve un autre projet complètement idiot. Il s'agit de celui du grand leader Kim Jong-il, le père de l'actuel dirigeant nord-coréen. Il avait fait travailler des scientifiques nord-coréens pour analyser si c'était possible de faire bouger les étoiles dans le ciel pour écrire son nom. C'est un des scientifiques du programme, finalement réfugié en Corée du Sud en 2005, qui a raconté l'histoire. Ses collègues ont disparu mystérieusement suite à l'arrêt du programme quand, a priori, on a dû lui expliquer que c'est pas possible. Alors, deux histoires complètement folles, l'une comme l'autre. Histoire de publicité dans l'espace ou cette histoire de Kim Jong-il qui souhaitait donc inscrire son nom avec des étoiles. C'est beau. Bah, il aurait pu changer de nom et après relier les trucs. Oui, genre il se serait appelé Grand Ours. Il y a déjà le W de Cassiopée, alors on pourrait faire QV. On va faire un tour de table pour voir d'après vous et aider nos auditeurs. Première ou seconde histoire, Catherine Renvaux. Ouais, je sais que c'est pas la bonne, mais la deuxième me plaît beaucoup. La deuxième histoire, Selma Awash. Oh, la première me paraît plausible. La première. L'éthique dans la pub, tout ça, tout est possible. Michael Albas. Oui, je suis d'accord, la première. La première et enfin Raoul Reyers. La première. Je déteste aussi la pub, donc autant. Vous savez, c'est ce qui nous permet de vivre, ne dites pas voilà. Ça. Ah, moi, je suis ça, un. Hein. Alors, je vais vous dire une chose, je suis un fan de publicité. Voilà, ah, j'adore. Ça lesquels, décider d'avancer. Ouais. Moi, j'adore la publicité. Oui, mais pas à tout prix. Vous savez quoi, je vais inventer une radio, il n'y aura que des publicités. J'ai vu ça sur Internet l'autre jour, quelqu'un qui disait mais pourquoi est-ce que les sites Internet ne font pas un site où il n'y aurait que de la pub? Et comme ça, on irait là et je y vous promets, plus de pub je vais faire ça. Je vous jure, ça pourrait être sympa, ça. Je planche encore sur le site. D'abord à la chaîne de Seigneurie. Oui, mais c'est trop business. En attendant, Roulement de Tambour pour découvrir l'histoire vraie du jour, cette histoire de publicité dans l'espace. Où l'ex-leader feu Kim Jong-il, nord-coréen, qui souhaitait donc inscrire son nom avec des étoiles. Vincent Flibustier. Eh bien oui, en 1993, une société a bien voulu mettre un panneau publicitaire géant dans l'espace. Et donc je me suis dit, en trouvant cette histoire, que c'était bien d'y avoir échappé. Puis j'ai tapé Space Billboard dans Google et j'ai découvert qu'une société créée par des étudiants belges de la KUL veut envoyer en 2016 un panneau publicitaire dans l'espace, avec le soutien de NG Electrabel, Microsoft, Kinépolis, BNP, Paribas Fortis, etc. Mais c'est pas un panneau d'un kilomètre carré, mais un petit satellite de 50 cm de long avec 1000 petits carrés, donc il va y avoir des petits pixels de pub. Et la société veut reverser une partie des revenus à des œuvres de charité, donc ça se verra même pas en fait. Mais c'est plutôt mais bon, on a déjà bien pollué la Terre avec la pub, autant éviter de commencer à polluer ce qui tourne autour. Mais c'est pour les extraterrestres, c'est bien, c'est ça. Mais à noter aussi qu'après l'histoire de 93, les États-Unis eux ont interdit l'affichage dans l'espace, mais le problème c'est que si un autre pays le fait, bah, fatalement ils risquent de le voir aussi. Donc si un jour quelqu'un envoie un kilomètre de panneau dans l'espace, à mon avis, ça va poser quelques problèmes. Ça va être le bordel, effectivement. Dans la suite de C'est presque sérieux, eh bien, nous aurons droit à notre agence de presse, oui, l'information un peu différente, un peu trafiquée. En tout cas, entendue pas comme chez les autres, c'est certain. Restez avec nous, on aura également droit à une presque star et les infos de 17h avec Diane Burgel-Vernet. C'est dans très précisément 2 minutes 45. C'est presque sérieux sur la première. Un smartphone performant, c'est chouette. Sinon... Oh, Caro ! Je viens liker ton dernier commentaire en direct parce que j'arrive plus à le faire avec mon vieux GSM. Mais tu viens quand même de loin. Mais oui, mais c'est pas grave. Je te laisse, je vais liker la photo de profil de Marie. Ne perdez plus une seconde pour liker. Profitez maintenant chez Orange d'un tout nouveau smartphone 4G à seulement 9€ avec Dauphin 25 smartphones. Et restez connecté avec le monde. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Conditions sur orange.be. Si j'ai bien compris, vous voulez que je pose du parquet sur la Grand Place de Bruxelles. Voilà, c'est ça. Et sur le piétonnier aussi. Ah bah oui, hein. Eh ben ça marche, pas de problème. Tout devient possible quand on travaille avec nouveau Citroën Jumpy. Trois tailles au choix, porte coulissante main libre et seulement 1,90 m de hauteur. Nouveau Citroën Jumpy, à partir de 230 euros par mois, avec extension de 5 ans de garantie offerte. Découvrez-le dans votre point de vente. Citroën. Infos et conditions sur citroën.be. Olivier, qu'est-ce que tu fais ? J'inspire le quartier. Comment ça ? Je participe à l'appel à projet de Bruxelles Environnement. Pour lancer un potager collectif ou un atelier cuisine avec mes voisins, par exemple. Et ils offrent un accompagnement et un soutien financier. L'objectif, c'est de rendre le quartier plus durable. Génial ! Je participe. Inspirons le quartier. Plus d'infos sur environnement.brussels ou appelez le 02 775 75 75, 75 ou rendez-vous à la séance d'information du 20 septembre. Bruxelles Environnement. Bonjour, c'est Béa Ercolini, rédactrice en chef de Elle Belgique. Le spécial mode est sorti avec les adresses belges et tous ces petits détails qui permettent d'actualiser sa garde-robe sans couler son budget. Et pour commencer, on a réduit le prix du magazine. Ok, il n'y a pas que la mode dans la vie. Elle Belgique, c'est un regard féminin et décalé sur l'actualité. Elle Belgique, très elle, très belge. Très mode aussi. La première, météo. Bonne fin de journée à tous. Les nuages vont porter partout. La soirée sera agréable. Les minimales la nuit prochaine seront à nouveau compris entre 10 et 12 degrés. Demain, on retrouve du soleil le matin. Quelques nuages un petit peu plus présents demain après-midi, mais cela n'empêchera pas les maxima de grimper. 23 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne, 24 au littoral, 26 dans le centre, 27 en campine. Pour la suite, eh bien, ça reste encore très agréable pour les journées de jeudi, vendredi et même samedi, même si on craint une dégradation par l'ouest. J'adore le soleil, j'adore comme il nous invite à profiter du jardin. Et j'adore surtout comment mes châssis Bellisol gardent bien dehors le bruit infernal de la tondeuse. Bellisol. La première. 17h. Votre journal, Diane Burgel-Vernet. Bonsoir Diane. Bonsoir. Le ministre français de l'économie s'est rendu à l'Élysée cet après-midi. Plus tôt dans la journée, Emmanuel Macron a annoncé à ses collaborateurs qu'il s'apprêtait à remettre sa démission. Les opérateurs du tourisme en Wallonie tirent un bilan globalement positif de leur saison estivale. Une bonne surprise, vous l'entendrez, pour les professionnels du secteur. Un point sur vos conditions de circulation, c'est avec Marjorie Bilot. Oui, l'essentiel, c'est vraiment cette chaussée fermée à Jemappes sur le 19 Bruxelles-Valenciennes. Donc pour aller vers la France, vous allez être dévié sur cette 19 à partir de Ville-sur-Aisne, plus ou moins sur le R5 qui va à Jemappes. Donc prévoyez plus de temps pour aller vers la France. La rentrée pour certains, le départ pour d'autres. L'ambitieux et jeune ministre de l'économie français Emmanuel Macron fait-il encore partie de l'exécutif ? Aucune communication officielle, en tout cas pour le moment, Nina Meus. Oui, c'est une drôle de démission, si elle est bien officialisée. C'est une démission sans son et sans image. Emmanuel Macron a annoncé son intention de démissionner à ses collaborateurs. Ce matin, il devait apporter sa démission au président Hollande à l'Élysée sur le coup de 15h, mais en fait, personne ne l'a vu. Emmanuel Macron serait arrivé et même déjà reparti de l'Élysée, mais par l'entrée principale où sont massés cet après-midi de nombreux courriers et de nombreux journalistes. Cette démission est déjà largement commentée. Elle apparaît comme un échec pour François Hollande puisque c'est le président de la République qui l'a fait venir au gouvernement et qui l'a mis en avant. Ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir trouver un nouveau ministre de l'économie, voire remanier le gouvernement français. C'est donc une rentrée compliquée en perspective pour François Hollande. Et puis c'est aussi une rentrée compliquée car François Hollande sera probablement candidat à l'élection présidentielle qui s'annonce dans l'année qui vient. Et la question c'est de savoir si Emmanuel Macron va lui aussi se porter candidat. Maintenant qu'il a les mains libres, il avait créé il y a quelques mois son mouvement En Marche. Il marche désormais à côté des sentiers gouvernementaux. Et voilà donc pour l'information qui agite l'Hexagone. Ce soir, on le rappelle, pour le moment, aucune communication officielle de l'Élysée ni d'Emmanuel Macron lui-même au sujet de sa démission. En France, encore un policier a été poignardé dans un commissariat du centre de Toulouse. L'individu a été interpellé. Ce dernier aurait prétexté un dépôt de plainte pour s'introduire dans le commissariat. Il aurait tenté de s'emparer de l'arme de service du policier avant de se saisir d'un couteau. Selon France 3, l'agresseur était connu des services de police pour un jet de cocktail Molotov. C'était il y a quelques années. Les poursuites avaient été abandonnées. L'homme ayant été à l'époque déclaré irresponsable en raison de troubles psychiatriques. 13 milliards d'euros, c'est le montant record que la Commission européenne demande à Apple de rembourser à l'Irlande. L'entreprise à la pomme est accusée d'avoir profité d'une fiscalité trop avantageuse en Irlande, c'était entre 2003 et 2014. Une décision contestée par Apple qui a annoncé dans la foulée son intention de faire appel. La firme américaine estime même que cette sanction infligée par Bruxelles est néfaste pour l'investissement et l'emploi en Europe. Le gouvernement irlandais lui aussi se prépare à faire appel. Un taux d'occupation des hébergements stables, un taux de fréquentation pratiquement identique à celui de l'an dernier pour les attractions et les musées. Bref, les opérateurs de tourisme en Wallonie tirent un bilan globalement positif de leur saison estivale. Bilan qui devrait d'ailleurs encore sensiblement s'améliorer avec la météo des derniers jours, Rudy Hermans. 70% de taux d'occupation pour les hébergements et pour les attractions et musées, à peine une légère baisse de fréquentation. Barbara Destré est commissaire générale au tourisme en Wallonie. Honnêtement, pour moi, c'est une bonne surprise. On n'est pas dans le sommet de la courbe, mais on est en phase stable. Confirmation avec deux opérateurs très différents. Brigitte Malou est administrateur déléguée du parc animalier et des grottes de Vent-sur-Lys. L'an passé était une année exceptionnelle et 2014 aussi. On a connu une forte croissance et on a réussi à maintenir le même résultat au niveau fréquentation, plus ou moins stable au niveau de la grotte, un peu plus au niveau du parc. Donc on est relativement satisfait. Chantal Van Pevenage, elle, gère un gîte près de Nassogne. Au mois d'août, la fréquentation a été vraiment très bonne. Donc plutôt meilleur que l'année dernière, mais le mois de juillet était un peu moyen, je dirais. Et ces touristes, d'où viennent-ils ? Il y a un peu plus de Hollandais. On a énormément de néerlandophones qui viennent. Clientèle relativement locale ou proche, donc, puisque plus de 90% de ceux qui visitent la Wallonie viennent de Belgique ou des pays voisins. Autre bilan positif aussi, il concerne le fonds wallon d'investissement numérique. Il s'appelle Wing, il existe depuis 6 mois et est destiné aux startups numériques. Un fonds unique en son genre dont le succès montre l'essor de l'économie numérique en Wallonie. Les explications de Thierry Van Gulik. La Wallonie est-elle en train de résorber son retard en matière d'économie numérique? Si l'on en croit la diversité des projets, depuis une plateforme pour la gestion des ventes aux enchères jusqu'à une application pour bien gérer un club sportif, la réponse est oui. Pierre Rillon, président de Wing, est même surpris du succès. Plus de 200 dossiers ont été rentrés en peine 6 mois. Sur ces 200 dossiers, on en a sélectionné un peu plus de 25. Donc c'est un succès finalement inespéré, inattendu. On est très heureux de contribuer actuellement à hauteur de 3,5 millions d'euros au développement de ces jeunes pousses. Des jeunes pousses qui grandissent parfois très vite, comme la société Hippies de Louvain-la-Neuve, qui a mis au point un récupérateur d'énergie pour les 50 milliards d'objets connectés qui seront sur le marché d'ici 2020. Geoffrey Gosset, patron de Hippies. Donc nous proposons, plutôt que d'alimenter tous ces objets connectés qui nous entourent par des piles, d'utiliser plutôt l'énergie environnante de ces objets pour les alimenter. Par exemple, énergie photovoltaïque ou énergie thermique. Une idée qui a déjà séduit un investisseur privé, mais l'apport de Wing est essentiel pour le développement futur de l'entreprise. Nous avions besoin d'un financement rapide. Et il se fait que Wing a un temps de réaction très rapide. Aujourd'hui, le fonds est doté de 60 millions d'euros, mais ses promoteurs espèrent bien devoir rapidement le réalimenter. C'est fou, un rêve qui devient réalité. La joie ce soir de Thomas Peters, le golfeur belge vient d'apprendre qu'il était sélectionné dans l'équipe européenne pour la Ryder Cup, cette épreuve mythique qui oppose les États-Unis à l'Europe. Elle se jouera du 30 septembre au 2 octobre aux États-Unis. Thomas Peters a frôlé la médaille au JO en terminant 4e, un joli parcours, mais ce sont surtout ses 3 dernières victoires sur le circuit européen, dont d'ailleurs la dernière ce dimanche au Danemark, qui ont poussé le capitaine de l'équipe européenne à le sélectionner. Thomas Peters lui est évidemment très heureux. C'est une récompense par rapport à mes 3 victoires. J'ai été très constant. J'ai fait beaucoup de top 10. Et en dernier lieu, quand il le fallait vraiment, lors des 3 derniers Open, j'ai bien presté. Je vais faire de mon mieux à cette Ryder Cup et me donner à 100%. J'espère que je pourrai prendre quelques points. Par rapport à la déception relative au jeu, c'est une manière de passer au-dessus, j'imagine, cette sélection. Je pense que ces dernières semaines ont été très importantes pour moi. J'ai terminé 4e, 2e, puis enfin 1er. Ça prouve que je suis en forme. Le golfeur Thomas Peters, interrogé par Ebi Brouzakis. Très belle fin de journée à notre écoute, il est 17h07. Toute l'info est sur rtbf.be. Et sur la première, on retrouve bien sûr Walid et ses chroniqueurs. Merci Diane. Retour dans l'information tout à l'heure à 17h30 avec Arnaud Reyssen. La première. 16h-17h30, c'est presque sérieux. À avec Walid. Oui, nous sommes presque sérieux, nous sommes avec vous, tous les jours de la semaine, durant une heure et demie, un état d'esprit pour prendre un peu de recul sur cette actualité qui a tendance parfois à nous enchaîner. Et nous, notre mission, bien, c'est lui donner une autre saveur. Oui, prenons du recul, un peu de légèreté, nous sommes presque sérieux avec autour de la table Selma Ouach, toute fleurie. Bonjour. Il y a... J'ai fait des fleurs dans ma voix. Oui. Vous avez entendu? Oui, mais on aurait préféré pas. On a également Catherine Ronvaux. Bonjour. Voilà. Là c'est bien. Il y a Michael Albas avec nous aussi. Bonjour. Michael Albas, vous nous parlez de quoi dans un instant? Oh, de Gérard Depardieu et son centre culturel. Ah, ça c'est un programme. Restez avec nous, c'est effectivement à ne pas rater. Il y a Raoul Reyers également. Bonjour Walid. Je suis content qu'on ait eu autant de dames autour de la table. Ah, ça fait plaisir, effectivement. Tiens, en parlant de dames, c'est notre dame à nous. C'est bonjour. Voilà. Vous avez compris, nous sommes presque sérieux et nous mettons à la une actualité. Oui, mais laquelle? La voici. C'est presque sérieux. Sur la première. Un titre qui mérite d'être mis en avant, tout le monde en parle aujourd'hui, vous l'avez certainement lu, un Belge sur cinq est incapable d'envoyer des courriels. Mm-hmm. Des mails, si vous préférez. Oui, j'allais vous reprendre, Walid, parce que courriel, ça fait un peu... Mais courriel, c'est français, madame. Oui, c'est vrai. C'est français, excusez-moi. C'est vrai. C'est moi de parler... Comme il se doit, effectivement. Alors, comment justement vous pourriez retitrer cette information, puisqu'on apprend aujourd'hui dans la presse que si 86% des Belges disposent d'un accès à Internet, et bien un tiers d'entre eux est incapable d'utiliser un traitement de texte et un cinquième d'envoyer des courriels. C'est ce qui ressort donc d'une enquête de la Ligue des Familles qui part en croisade donc contre l'illettrisme numérique et exhorte donc les acteurs à investir dans le développement des aptitudes informatiques. Selon cette enquête, un tiers donc des Belges ne sont pas en mesure d'utiliser Internet pour consulter les horaires des transports public et la moitié ne sait pas effectuer de paiement en ligne. 40% d'ailleurs de la population ignore par ailleurs le fonctionnement de Taxon Web. Oui. Même ceux qui l'ont créé, je crois qu'ils sont pas au courant. Comment est-ce que je vais vous dire? Voilà. C'est-à-dire que c'est difficile parce que pour y accéder, déjà, on n'a pas toujours l'occasion. C'est vrai. Ouais. Donc, un Belge sur cinq incapable d'envoyer des courriels. Comment est-ce que vous auriez pu retitrer cette information, Raoul Reyers? 20% des Belges sont encore capables d'écrire des lettres à l'encre et calligraphier, les autres plus. Ah ben c'est beau ça, c'est positif. Voilà. C'est une autre manière de voir les choses. C'est le verre à moitié vide et à moitié plein chez vous. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Je préfère la moitié plein. Ouais. Michael Albas. Un Belge sur cinq ne sait pas écrire un courriel. Franck Ribéry demande l'asile analphabétique à Charles Michel. On va demander à Selma Ouach, un Belge sur cinq incapable d'envoyer des courriels. Eh bien, j'aurais dit, la moitié des Belges ne dépensent pas toute leur fortune sur les sites de shopping online et donc font fonctionner le commerce de proximité. Alors, vous êtes très branché shopping. Oui. Impression. Depuis tout à l'heure, vous l'avez moins dit huit fois. C'est pas les soldes, c'est fini les soldes. Oui, mais c'est dans sa tête, c'est les soldes tous les jours. Ça doit être ça. Catherine Ronvaux, un Belge sur cinq incapable d'envoyer des courriels. Comment est-ce que vous pourriez retitrer cette information? Hashtag divisé par www.http@@.be égale un cinquième. Ouais. C'était une fois. On n'aurait pas cliqué. trop compliqué. Et enfin, il me fait peur, Vincent Flibusti. Désolé, Walid. J'avais chargé ma grand-mère d'aller voir le titre et de m'en trouver un, mais elle fait partie des 20% de Belges qui ne savent pas, donc j'ai rien à vous proposer. Merci, Vincent Flibusti. En attendant, l'information revue et corrigée, elle est passée dans nos machines d'interprétation de l'actualité. Et si l'actualité était entendue comme ça, eh bien, attention, les amis, c'est ce que vous entendrez maintenant est complètement faux. Oui, on le rappellera jamais assez, n'est-ce pas Raoul Reyers? C'est vrai, c'est vraiment, ne croyez pas ce que vous allez entendre, parce que c'est quelqu'un qui a trafiqué, je ne citerai pas son nom, qui a complètement trafiqué des informations, qu'il a mélangées. Et le résultat? Ça lui a pris la moitié de la journée. Et le résultat, le voici. La première jusqu'à 17h30. C'est presque sérieux. Avec Walid. Avec Walid. Dilma Rousseff, très sarkozyste, sème le chaos à Bruxelles avec des panneaux de signalisation, des plaques de rue ou encore des manuels scolaires. Un acte honteux, désespérant et lâche selon le groupe État islamique, ça ne s'invente pas. Attaque criminelle qui n'a pas fait de blessés mais des dégâts matériels importants. Jean-Pierre Chevènement, il promet de garer ses tracteurs devant les supermarchés du gouvernement et d'aller poser des autocollants sur Sarkozy sans le nommer. En substance, on suivra ça. Je ne suis pas trop vieux, a dit Alain Juppé. Alain Juppé qui sort vendredi prochain son nouvel album intitulé « Imagine un seul instant le général de Gaulle mis en examen ». Entre psychédélisme, électro et surf musique, une chose est sûre. J'attends juste, dit-il, que le président sortant Omar Bongo m'appelle pour me féliciter. La première jusqu'à 17h30. C'est presque sérieux. Avec Walid. C'est vrai que l'actualité vue comme ça, ça donne envie de s'informer. Hein. C'est plus frais que la vraie actualité. C'est que vous prenez ça, vous mélangez ça dans un shaker et le résultat est plutôt désopilant. En attendant, intéressons-nous à une presque star. Elle fait parler d'elle dans la presse et de lui. En l'occurrence, il s'appelle Rob. Rob est avec nous. Bonjour Rob. Bonjour. Vous allez bien ? Ça va et vous ? Ah bien écoutez, ravi de vous avoir avec nous. Pour quelle raison la presse parle de Rob ? Vous avez très exactement 1 minute 30 pour le découvrir et je ne réponds à vos questions que par oui ou par non, c'est parti. Rob, c'est encore les soldes ? Non. Est-ce que Rob... C'est les fans de soldes. Est-ce que Rob encore met parfois des pantalons aussi ? Oui. Mais oui. Rob, c'est le magasin pour les riches à Woluwe. Non, c'est pas ça, non, c'est son prénom, Rob. Et du coup, il s'est fait. Il attaque en justice le magasin parce que justement, c'est son prénom. Non, c'est pas bon, ça. Bon, alors, il a créé quoi ? Il a créé quelque chose. Non, il n'a pas créé quelque chose. Il propose. On peut dire que c'est un artiste. Ah, oui. Il fait une expo. Et ce qu'il fait est très, très, très, très drôle. C'est drôle. De la musique ? C'est pas de la musique. C'est de la BD ? Du dessin, de la caricature. Dessin, caricature, non. Est-ce qu'il se produit lui-même ? C'est avec son corps qu'il fait les choses ? Oui, c'est avec son corps. On peut voir son corps. Ouais. Avec sa voix. Il fait des vidéos YouTube. Des vidéos sur YouTube. YouTube. Il donne des conseils aux terroristes. Non. Il donne les conseils. Non, c'est pas ça. Donc c'est un artiste, il a... mais qu'est-ce qu'il utilise ? Est-ce qu'il sa parle ? Voix ? Est-ce qu'il parle dans ce qu'il dans fait ? Ses non. Non, dans non. Ses œuvres, il ne parle pas. Il ne parle pas. Est-ce qu'il peint ? Il écrit ? Il peint, non. Est-ce qu'il... c'est statique, c'est quoi ? Ce sont des photos ? C'est des photos. Ce sont des photos. Ce sont des photos. Ah. Ouais. Des photos de lieux insolites. De gens bizarres. Ah, est-ce que c'est le monsieur Instagram, Schnarchnarchnam, qui est belge et qui est suivi par plein de gens, mais moi je suis nulle à ça. Et qui fait des trucs de Jeanne Fix. Alors, c'est le roi du détournement sur Instagram. Voilà. Il est belge, il est avec nous, il s'appelle Rob Vanim. Il se décrit comme un mec médiocre et il est suivi par plus de 19 000 followers sur Instagram. Average Robs, si vous souhaitez le suivre, avec des détournements décalé et hilarant, c'est le nouveau roi du montage, c'est comme ça que le présentent nos confrères de 20 minutes. On mettra d'ailleurs des photos sur la page Facebook de l'émission parce que ça... Hillary Clinton, pardon. Oui, alors c'est énorme. Alors vous allez nous expliquer un petit peu comment est née cette idée, Rob, est-ce qu'on vous voit vous afficher aux côtés de célébrités, la famille Trump, Hillary Clinton, Kim Kardashian, Beyoncé, mais aussi les Diables Rouges, dans des postures en total décalage. Et c'est plein de réalisme puisque on a l'impression que vous êtes vraiment à côté de ces personnalités. Expliquez-nous d'où est venue cette idée. Ben, au début, je devais apprendre le Photoshop pour l'école. Oui. Mais à l'école, on veut pas vraiment être super créatif. Donc, pour apprendre le Photoshop, j'ai commencé à photoshopper mes copains dans la classe. Donc, je changeais leur tête de corps et Le meilleur, c'était que je mettais des têtes d'hommes sur des corps de femmes. Mmh. Donc, comme ça, ils n'étaient pas trop contents. Mais c'est comme ça que ça a un peu commencé. J'ai commencé à faire des trucs un peu bizarres, un peu débiles. Me faire flotter dans l'espace, des trucs comme ça. Et alors, combien de temps ça prend pour réaliser une photo ? Ça dépend. Parfois 2 heures, parfois qu'une heure, parfois 3 heures, 4 heures. Mmh. Ça dépend combien... la difficulté de la photo, en fait. Est-ce que de base, quand vous vous mettez en scène, parce que vous n'êtes pas, enfin, vous êtes dans une certaine position, etc., vous prenez en photo sur un fond blanc, un fond vert, et puis vous découpez, ou... J'ai pas vraiment de fond blanc ou fond vert, mais j'ai juste une chambre avec plein d'autres couleurs derrière. Donc, en fait, il y a pas longtemps, j'ai acheté une lampe studio. Mm-hmm. Et donc, avec ça, je peux... C'est plus facile pour avoir la bonne lumière. Donc ouais, ce que je fais, je cherche l'image que j'aimerais bien détourner. Ouais, c'est ça. Et puis alors, je mets le timer sur 10 secondes, je cours en position et c'est génial. Trouvez-vous un ami. Alors vraiment, vraiment, il faut voir ces photos. On les mettra sur la page Facebook. Ce nouveau roi du photomontage, Average Robs, Rob Van Imp de son vrai nom. Et apparemment, vous êtes, on a un point commun. Vous êtes fan de Rick Astley. De Rick Astley. Je sais, oui, il est marrant. Ah oui, oui. Ah, bah, j'aime bien. Et il est de retour. Hein. Ouais, effectivement. En tout cas, merci à vous. Rob, on mettra toutes les infos vous concernant sur la page Facebook de C'est Presque Sérieux et sur le site de La Première, lapremière.be. Continuez à nous faire rire et continuez surtout à détourner ces images. Dans la suite, nous, on continue à détourner l'actualité avec les mots de Michael Elbaz qui s'intéresse au grand Gérard Depardieu. Comment ne pas se sentir plus russe que français avec le président qu'on a en France? Retrouvez les observations et les prévisions météo sur rtbf.be. Quand il fait beau, le temps, je le fais rentrer par mes magnifiques châssis Bellisol. Et quand il fait vraiment beau, il peut même entrer par ma sublime porte Bellisol. Bellisol. Salut mon chéri, t'as pu faire les courses pour ce soir? Oups, les courses. Oh non, ne me dis pas que t'as oublié mon dîner fille, les nems en entrée, le poulet tikka masala. Mais non, t'inquiète, je file au Deli Traiteur, je te prends aussi du chardonnay et des petites olives pour l'apéro. T'es un amour. Et vous, vous faites comment? Deli Traiteur. Flagrant délit de plaisir. Ouvert jusqu'à 22h, 365 jours par an. Par ici, s'il vous plaît, je vais vous présenter vos nouveaux collègues. Attention, le sol vient d'être nettoyé, ne glisse pas. Ça va mademoiselle? Oui. C'est par là. Un accident du travail, c'est vite arrivé. Avec la boîte de prévention gratuite de Fédéral Assurance, vous êtes doublement gagnant. Vous pouvez éviter les accidents du travail et découvrir comment diminuer votre prime d'assurance. Plus d'infos sur sécuritéautravail.be ou fédéral.be. Fédéral Assurance, l'assureur qui partage ses bénéfices avec vous. Découvrez la nouvelle offre spectaculaire de BTV. Pour un prix spectaculaire, dis, qu'est-ce que tu fais avec ma voix? Je la rends plus spectaculaire, comme l'offre. Non, arrête ça. Ok, je coupe. Découvrez des... Non, tu l'as pas coupé. Ah non? Arrête ça immédiatement. J'ai peur. Vous voyez, ça marche? Non, ça marche pas. Mais si. Non. Abonnez-vous à la nouvelle offre spectaculaire de BTV. Des milliers de films et séries inédits pour seulement 24,99€ par mois sans engagement. Appelez le 0800 825 ou surfez sur btv.be. BTV, déchaînez-vous. Bah oui, déchaînez-vous. La première et la 3 présente... C'est une des rares occasions où, sans promotion aucune, vous pouvez rencontrer des écrivains, parler, échanger, ne pas être d'accord, être surpris, découvrir. Autant dire, vivre et prendre le temps de s'asseoir sur le trottoir d'à côté. Les 2, 3 et 4 septembre, intimefestival.be. Avec le soir, BTV, Moustique et Canal C. La première. Mobile Info. Et à 17h20, on retrouve Marjorie Bilot en ce mardi. Est-ce que ça roule? Eh bien, non, sur le 19 Bruxelles-Valenciennes, évidemment. Merci. Ben oui. On a... Sinon, je ne viendrai pas vous ennuyer avec 11 km de bouchons, donc en direction de la France, depuis pratiquement Ville-sur-Aisne. Vous êtes dévié là, puisqu'un accident s'est produit donc à hauteur de Jemappes. La chaussée semble encore fermée, donc en direction de la France. Déviation mise en place voilà, via le R5 de Jemappes, avec aussi des répercussions sur la Nationale 6 et sur la Nationale 552. Gros embarras de circulation donc du côté de Mons. Et puis sur le 42 Liège-Namur, accident impliquant 4 véhicules à hauteur de 8 hérons. Passage difficile et défile vers Namur. Et sur le ring de Bruxelles, eh bien, on a des ralentissements plus ou moins habituels. Ajouté une demi-heure toujours sur le tronçon Zaventem Grand Bigard et un quart d'heure Grand Bigard Zaventem. À gauche, à droite, tout droit. Vous avez le choix, comme chez Cora. Ou chez Cora. Un problème sur la route? Signalez-le au call center RTBF Mobile Info via le numéro gratuit 0800 48 400. La première jusqu'à 17h30, c'est presque sérieux. L'équipe de C'est Presque Sérieux qui prendra ses quartiers vendredi et dimanche du côté du Parc Royal lors de la fête de la bande dessinée. En face du palais, monsieur. Ah, on ne se refuse rien, monsieur. Oui. Donc si vous souhaitez venir faire la fête avec nous, en tout cas la bande dessinée, puis être presque sérieux, vous savez où il vous faut vous rendre. En attendant, intéressons-nous justement à cette actualité avec des honneurs, en deux mots, hein, pour Gérard Depardieu, qui depuis qu'il est devenu russe, semble avoir retrouvé une certaine popularité, et visiblement le président Poutine a envie de le crimer sur tous les toits. Saint-Émilion, Saint-Zano, Saint-Pétersbourg, et oui, il y a peut-être une logique finalement. Hein. Samedi dernier, en Russie, pays du dopage organisé, et dans lequel un adversaire politique retrouvé avec 10 balles dans le dos est considéré comme suicidé, avait lieu un événement de poids, l'inauguration du centre culturel et cinématographique Gérard Depardieu, dans un pays toujours aussi mystérieux. Et oui, vu d'ici, on a parfois l'impression que tout le monde y a deux perdus. De quoi ringardiser nos renseignements généraux. Oui, ici, demander des infos au RG, c'est souvent faire Tintin. faut bien dire que malgré toutes ces phrases, que Depardieu reste un mythe. On se souvient tous de son duo avec Pierre Richard. Sauf qu'aujourd'hui, c'est lui qui se casse la figure en scooter toutes les 3 semaines. Eh bien, cette inauguration est la preuve qu'il y a des endroits où on a encore foi en lui. Parce qu'il faut bien reconnaître qu'il est désormais davantage connu à Hollywood pour ses problèmes de vessie en avion que pour les lanternes qu'il a contribué à éclairer par ses performances sur grand écran. Lui qui, du temps de sa splendeur, tournait avec 2 verres. Aujourd'hui, il prend au moins 2 verres avant de commencer à tourner. Depuis quelques années déjà, quand il crie « ça tourne », c'est plus souvent après un plateau repas trop liquide que sur un plateau de tournage. Lui qui, il y a 3 ans, quitta la France de manière plutôt caucase. Et oui, plus misérable que Jean Valjean, si l'on en croit le Premier ministre de l'époque, qui lui avait dit tout de gauche d'aller s'établir en Asie mineure, ce qui n'aurait pas déplu à Morandini. En tout cas, c'est pas demain qu'il sera accueilli dans l'Hexagone par les bravos et qu'on lui dressera l'obélix, lui qui, après avoir défendu la Gaule, a joué DSK. Bon, on demande quand même à voir le programme. Hein. Peut-être assistera-t-on enfin au grand retour de Mireille Mathieu, hein, autre grande copine du PDG de la Russie, président dictateur général des armées. Car on n'est plus autant de l'URSS, mais on garde quand même les 2 dernières lettres pour justifier quelques crimes déguisés de temps en temps. Non, mais c'est une bonne idée, Mireille. Hein. Elle pourrait y revisiter le répertoire français comme « Bière encore hein, » ou « Ne me quitte pas ». Oui. Tout cela avant une projection du film préféré de Gégé, hein, « Les raisins de la colère », histoire d'un viticulteur en colère contre sa récolte, un film dans lequel Henri fonda en larmes. Dites donc, entre Mireille Mathieu, Depardieu et Faudel qui a disparu de la surface de la Terre, décidément soutenir Sarkozy, ça fait voyager. Hein. Lui qui disait « La France, on l'aime ou on la quitte bah, », visiblement, ses amis ne semblent pas vouloir revenir. Hein. Même pas pour lui, hein, qui aurait bien besoin de soutien en pleine campagne. Lui qui, contrairement à sa rivale NKM, n'est pas allé voir Jacqueline Sauvage en prison. Hein. Non, mais vu ce qu'il traîne, il a certainement eu peur qu'on ne le laisse pas sortir. Quoi qu'il en soit, ça n'étonne plus personne de voir Gégé aux côtés de Poutine. Hein. Poupou pour les intimes. Poupou Pidou pour Marilyn. Hein, important en ces temps de réflexion. Fidèle à lui-même, il casse trop les codes et s'obstine à s'afficher aux côtés d'hommes sulfureux comme Kadyrov, président de la Tchétchénie et ex-ami de Jonathan Lejar, qui avait pourtant bien du mal à prononcer le nom du pays. Mais aussi Daniel Sénézal, hein, qui, par ses costumes, a quand même rendu la moitié de ses concitoyens aveugles. Il a aussi déclaré qu'il trouvait le président du Bélarus, un dernier dictateur d'Europe, très sympa. Et là, pas besoin d'avoir un coup dans le nez pour paraphraser Cyrano et dire « Ah non, c'est un peu court, jeune homme, on pourrait en dire bien des choses en somme. » Par exemple, que les dirigeants européens, trop pris par l'escalade de la bêtise et occupés à gravir le Mont Santo, feraient bien de s'apercevoir qu'il reste encore des opprimés près de chez eux et que même si c'est financièrement pas intéressant, on pourrait les aider un peu hein, au lieu d'aller se mêler des conflits qui canardent dans tous les coins-coins du monde que l'on se permet de juger pas civilisé. Ah, Michael Albas. Ah. Du talent concentré, hein. Du talent. Merci. Sur 1m20. C'est... Oh non. Ah si. Avec des talonnettes. Là, c'est vache. C'était vache. Ah, Michael Albas, une chronique à retrouver sur le rtbf.be/ovio. Dans un instant, rendez-vous avec Soir Première et Arnaud Roysen. Mais avant cela, tradition obligée dans cette émission, le presque mot de la fin. Cette conversation est terminée. Une actualité que vous retenez pour nos auditeurs chéris. Un mot pour résumer justement cette actualité que vous nous contez, Catherine Ronvaux. Est-ce que ça existe, élucidation ? Merci. Je suis à côté de Vincent Flibustier, ouais. Ça doit être ça. Donc, vous l'aviez annoncé tout à l'heure, la mort de Lucie. Oui, elle est tombée d'un arbre. Oliver Stone est en train d'élucider. Pascal Obispo est en deuil. Oui, c'est ça. La mort de Kennedy, Oliver Stone en parle, c'est probablement par un de ses gardes du corps. Oui. On attend André Coles. Élucidation ça... du meurtre dans des camps. André Coles, c'est Liège, ça va prendre plus de temps. Raoul Reyers, votre presque mot de la fin. Eh bien, je trouve qu'il se passe quand même des choses bien, puisqu'en Espagne, un mariage gay a été célébré par une élue musulmane. C'est beau. C'est bien. Beau. Ah, c'est bien. Une bonne nouvelle pour Raoul Reyers. C'est bien, c'est une bonne chose. Presque mot de la fin pour Salma Awash. Elle va nous dire shopping, vous allez voir. Non, cerveau. Parce que j'aimerais bien ouvrir un jour le cerveau, faire un scanner en 3D pour voir quel est le cheminement de la logique des gars qui font les chemins pour les travaux. Ou qui font les magasins. Oui. Non, j'aimerais bien comprendre quelle est la logique qui se passe. Qu'est-ce qui se passe dans leur tête quand ils disent « Ok, là, on va fermer ça, puis on va ouvrir ça, puis non, en fait, on va rouvrir, et puis en fait, ça va faire une circulation fluide. » Voilà, c'est un mystère que j'aimerais élucider. Mmh. Non. On n'est pas rendu. Hein. Comme les trottoirs, c'est d'abord le téléphone, et puis le gaz, et puis l'électricité. Il y a des priorités, Salma, il y a des priorités. Michael Albas. Eh bien, on parle de l'assassin de John Lennon, hein, qui reste en prison, de celui de Kennedy, qui serait un de ses gardes du corps, mais l'assassin de Claude François a été trouvé aussi. Il s'agit d'Empokora. Hein. Écoutez sa reprise. Oui, c'est vrai. Oui. Non, enfin, l'écoutez pas. Enfin, l'écoutez pas, oui. C'est surtout ça, en fait. Hein. Bon, et pour terminer, Vincent Flibustier, il est presque au bout de la fin pour nous. Trump, comme d'habitude. Là, il y a des gens qui se demandent s'il n'a pas écrit lui-même son rapport médical. Donc je trouve ça. Moi, je suis convaincu. C'est ma théorie depuis le début que, en fait, il veut perdre et il va parier toute sa fortune sur sa défaite. Et comme ça, il va gagner 40% de plus de sa fortune. Ah. Vous imaginez dans son rapport médical en surpoids? Non. Cheveux naturels. Oui, c'est ça. Rosage naturel. Ah, ce serait énorme. Non, mais voyez le positif, il sait écrire. C'est une bonne chose. En tout cas, merci à vous d'avoir été presque sérieux. Nous le serons tout autant demain entre 16h et 17h30. Ravi d'avoir passé cette heure et demie en votre compagnie. Émission à podcaster sur le rtbf.be/ovio. Merci Vincent Flibustier. Merci. Merci Catherine Ronvon. Merci Walid. Merci Mickaël Albas. Merci à vous. Merci Selma Wach. Merci Raoul Reyers. Merci Walid. Et merci à vous nombreux et nombreuses fidèles au poste. Rendez-vous d'ailleurs sur les réseaux sociaux pour continuer à commenter toute l'actualité, rien que l'actualité. On le rappellera jamais assez, ce sont eux qui la font. Et c'est avec vous que nous en rions. Et nous en rirons une fois de plus demain. Rendez-vous sans plus attendre avec le sérieux de l'information. C'est avec Arnaud Reyssen pour Soir Première. À demain 16h. Ça se passe sur la Première. Tout à l'heure, à 20h. Le monde est un village. Cette semaine, et le monde est un village, c'est une histoire de vent. Et ce soir, ce sont des vents d'est à l'est, vastes et puissants, multiples et captivants. Je vous propose de vous laisser emporter par des vents favorables et furieusement musicaux en provenance d'Allemagne, de Pologne, de la Fédération de Russie ou encore de Chine, par exemple. A tout à l'heure, après les infos de 20h. Le monde est un village. De 20h à 21h sur la Première. Et 24h sur 24 sur rtbf.be/ovio. La Première présente Phoenix 21, mort et renaissance d'une région industrielle. Une exposition itinérante et interactive en province de Liège pour reprendre confiance en notre avenir. Avec une tablette numérique et la réalité augmentée, voyagez dans le bassin liégeois de la belle époque à nos jours. Toutes les étapes de Phoenix 21 sur liège1418.be. Entrée gratuite avec la province de Liège. La Première et Tour des sites organisation présente Lueur Sacrée, un spectacle son et lumière 3D qui met en scène l'abbaye de la Ramée au travers d'un fabuleux récit historique dans le cadre des Journées du Patrimoine. Rendez-vous ces 9 et 10 septembre à l'abbaye de la Ramée pour plonger dans la magie. Spectacle gratuit. Info tourdesites.be. Avec l'avenir